Je t'en pique et tout est carré. Oh, oh, seven men. Impliqué dans le charbon toute la journée. Fin de la semaine, on compte les bingas. Tu veux savoir que je touche en un mois. Le dernier DV à la fin de l'année. Thank you, la malade. Grâce à toi, j'ai découvert qui sont les michetos. Des bouteilles empilées sur la table. Et madame et son numéro dans mon bigo. Là, ça démarre dans le Caribe. Remets des madame si les autres sont vides. On fait pas la guerre pour t'impressionner. Je vois pas, je renverse mon côté Jimmy. Mon verre est rempli de potions. Le mélange a le goût du démon. Chérie, manque pas de respect. Non, je vais cracher mon jeu sur ton menton. Impliqué dans tout ce qu'il ne faut pas. Pourquoi me regardes-tu de haut en bas? Et je dirais que la balle, tu l'arrêteras. Non, t'inquiète, ton gars, te fais pas coucou. Il sera ailleurs quand tu saigneras d'en bas. Un speed ténébreux à bon. Flot de la mort qui sort d'un tombeau. Comme ta chatte, ça sent pas bon. Mais gars, va mentir pour vos faux tampons. Gars du sèche, pégate, ventre beau. Tout est carré, carré. Redescends, il sera un scooter au bon pot. Tout est carré, carré. T'as des formes, tu sais t'en servir. Tout est carré, carré. Les feux que on les voit finir. Donc tout est carré, carré. Impliqué, impliqué. Impliqué, impliqué, impliqué. Impliqué, impliqué. Impliqué, impliqué, impliqué. Gadu sel, impliqué. Impliqué, impliqué dans tout ce qu'il ne faut pas. Toi et moi c'est pas la même. T'insultes ma mère, je tue la tienne. On fout l'enfer, la paix. Dis-toi que tu déclares la guerre. Mes négros ont la dalle. À 11h on va d'un retour. Depuis tout petit ça charbonne comme Pépito et Zazou. Faire l'argent pour rester en vie. Rêver en vie pour faire l'argent. Je vais pas finir comme Pablo. Mais je vais mourir à cause d'argent. Ton chéri est un fouteux. Matin l'extérieur il se tape les culs. 4-4 dans ma chambre d'hôtel. Pour qu'un chambre sa gueule il lui donne des thunes. Les junkies témoignent de la qualité. J'ai de la jamba qui se tinga ma bien. Bizarrement c'est plus le même. Sur les réseaux t'as la bouche. Mais en face je suis solo la bien. Que vais-je faire avant la fin du monde. J'aimerais me faire sucer par Nicki Minaj. A bon one c'est est toujours en prison. À sa sortie on fera le ménage. Impliqué, impliqué. Impliqué, impliqué, impliqué. Impliqué, impliqué. Impliqué, impliqué, impliqué. Tu resteras une étoile, pas ta poêle. Tu te brûles, tu suces, tu kennes.